Georges, si nous allions dans les gorges du Verdon, boire le soleil comme du champagne, goûter le miel de la campagne. Sortons la quatre ailes du garage et sur la nationale, tournons la page, car Georges, ne vois-tu pas que de ce port, je suis bien las, je ne supporte plus ce froid, cette ville morte et la mer qui aboie. Sautons dans la quatre ailes et ses 25 ans d'âge, et sur la nationale, tournons la page. Georges, ne sois pas égoïste, je te promets d'être fidèle. Georges, ne sois pas alarmiste, notre couple ne bat pas de l'aile. Notre couple s'envole seulement dans une quatre ailes. Oh Georges, donnons-nous une chance, quittons le nord, en hors de la France, jetons un sort à l'indifférence. Je tiens encore à toi, je pense, je t'aime.